rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial MZ. Passez une bonne soirée, c'est reparti pour une nouvelle semaine dans Planète Rap avec la MZ. Bienvenue à vous, messieurs. Ouais, ça va, tout le monde va bien? Ouais, on est cool. Nous aussi, on est cool. On va passer une bonne semaine normalement ensemble. Avec un projet qui est sorti il y a quelques semaines déjà. Qui est MZ Music Volume 3. Ouais, le troisième volume de quoi? C'est des street CD, mixtape. Ouais, street CD, mixtape, on peut sextape, comme tu veux. Voilà. C'est tout. Ah merde, j'ai pas maté les images. Putain, vous venez de me dire ça, ça me donne envie de courir, récupérer le CD et mater les images ce soir. Je le ferai tout à l'heure après sur l'émission. Jackie et Michel. Bienvenue, Jackie et Michel. Bon, les MZ, pour résumer, d'ailleurs, c'est marqué dans votre bio, c'est une bande de potes. Ouais. Bande de potes qui fait de la musique, qui fait du son. Oui. Bon, déjà, c'est la première fois qu'on fait Skyrock, déjà. Mmh. Ça fait 7 ans qu'on rappe. Et voilà, on a fait le boulot, on est content de notre boulot aujourd'hui dans Skyrock. Voilà. Et bienvenue à vous. Voilà. Donc, la MZ, c'est 4 personnes au sein de la MZ. Oui. C'est 3 plus 1. 3 plus 1. Voilà, 3 et demi. Alors, attends, 3 plus 1, ça fait. 4. Non mais pourquoi 3 plus 1? Vas-y, peut-être expliquer pourquoi. Parce que depuis le début c'est toujours comme ça. Tu vois, on sort des projets et dans nos projets il y en a toujours 3 qui sont plus présents que l'autre. Et voilà, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, donc c'est 3 plus 1. Ouais, voilà. 3 plus 1, voilà. Si tu sais compter. Je devrais arriver jusque 4, ça doit... Après c'est plus dur. Ah, j'avoue. Bon, MZ pour Mafia The Trait. Ouais, ouais. Voilà. C'est ça, 13e arrondissement de Paris. Ouais. 13e arrondissement de Paris. T'as tout compris. Ouais, ça, jusqu'ici tout va bien. Exactement, Chevaleret. Chevaleret, même pour être plus précis. Voilà. Cité alors... Chevaleret, pas métro Chevaleret, Cité Chevaleret. Cité Chevaleret. Si, Cité okay. Chevaleret, passage budget. Voilà. S'il vous plaît. Numéro d'étage, un truc hein. L'interphone. L'interphone, vous voulez rajouter un truc? Non, mais donc l'histoire commence il y a 7 ans, parce que voilà, vous êtes en bas dans le quartier, vous vous croisez par affinité, vous êtes potes. Même pas. On est tous du même quartier, on était au collège ensemble, voilà. Ça joue au foot ensemble. Et ça faisait tout ensemble, tu vois, on a grandi ensemble, on a, tu vois, il y en a qui faisaient du foot ensemble. Et ça rappait chacun dans son coin aussi ou pas? Ouais, au tout début, et vu qu'on traîne toujours ensemble, ça fait que voilà, à un moment on est obligé de se rassembler entre nous. Vu qu'on kiffe tous, quand on kiffe la même chose, on préfère le faire ensemble, tu vois. C'est plus amusant. Après voilà, on est monté jusqu'à 8 à un moment. Mais ceux qui ont pris la musique au sérieux, voilà, ils sont restés, ce qui fait qu'on est 4, mais en sachant qu'on n'a jamais viré personne. Voilà. Ils avaient des choses à faire. Bah après, c'est aussi voilà, souvent quand on est très nombreux comme ça, il y a voilà, la vie parfois. Ouais, en plus on était plus gamins, faut pas oublier, on est dans la vingtaine. Ouais, vous avez la vingtaine. Vois, ça fait 7 ans. Donc vous avez commencé à 14-15 ans. Ouais, un délire comme ça. Tu vois, quand il y a un bon délire qui arrive, tout le monde veut le faire et après, voilà quoi. Mais alors, qui va vous rapprocher pour monter la MZ en fait? C'est Davidson, ici présent. Ici présent, même s'il veut prendre le micro. Le dictateur. Ouais. Ah, c'est lui-même. King Elec. Les images du dictateur sont à mater tout de suite sur le skyrock.fm. Ouais. Donc, c'est toi qui va prendre en main cette histoire. Voilà, en fait, moi je m'appelle Davidson se présente. Je m'occupe de la MZ depuis sa création, 2006-2007. Et on en est arrivé aujourd'hui à faire des gros projets. On a rencontré KD Basic l'année dernière. Et ils sont là d'ailleurs, on va saluer aussi Zoxy et Mélophilo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Zoxy et Mélophilo. Yes. Ici des sages poètes de la rue. Donc voilà, je retrace la MZ, ça fait 7 ans qu'ils bossent. Ça fait le troisième projet là qu'on sort sérieusement. En distribution, c'est chez Sony Music. Et là, le volume 3 est sorti le 10 mars. Et on espère que ça va plaire à beaucoup de monde. Mais qu'est-ce qui fait que tu les as tous réunis pour monter ce groupe justement? En fait, si tu veux voir, la MZ, comme ils t'ont dit, c'est un groupe d'amis. Et moi, je suis un grand de la cité. D'accord, ouais, c'est-à-dire, en fait, voilà, c'est tout, ils sont dans le même secteur. Quoi. Et t'as senti qu'il y avait un truc, fort chez eux. J'ai senti qu'il y avait un truc fort depuis le début et c'est pas fini, c'est que le début. Voilà. J'aime bien comment tu le regardes. C'est que le début. entre parenthèses, c'est la MZ dans le collectif. Il y a aussi le binôme. Qui sont ici de Chiche et Black. Il y a Jesse Jess, un mec qui est sur Grenoble. Et Zaina, une chanteuse du collectif. Et Marlo aussi. Marlo, ouais. En fait, si tu veux voir, c'est tout le quartier qui fait de la musique. Très bien. Voilà. Bon, ben on va suivre ça et puis on va surtout débuter avec un morceau maintenant. Pour faire connaissance avec ceux qui veulent vous entendre rapper, chanter aussi sur les morceaux. Parce que c'est vrai que ça chante aussi sur les morceaux. Ça fait tout. Ça fait tout, ouais. Ça fait tout. On a un genre de. Ça fait tout sauf. C'est de la Jeep. Connerie. Jeep 4x4. C'est du 4x4. C'est du 4x4. C'est du 4x4. Pas mélangé avec le 4x4. Allez, on balance le morceau. On met lequel, messieurs?

C'est extrait du projet MZ Music Volume 3 à la MZ toute la semaine dans Planète Rap entre 20h et 21h pour action. De fiel. MZ Music Volume 3 dans les bacs. Si c'est la première fois aussi que vous écoutez ce morceau, allez-y, dites-nous avec le hashtag la MZ sur, enfin, le hashtag MZ sur Skyrock. Ça arrive direct dans le studio. Ouais. 41759. Allez-y. Il y a déjà beaucoup de demandes pour des morceaux. Vous savez, on balance sur les réseaux sociaux. Nous, on demande par rapport à nos invités quel est le morceau préféré. Comme votre projet est sorti, on nous a proposé de mettre Jambes en l'air ce soir. Ah là là, non, ce soir on va pas mettre Jambes en l'air, mais ne vous inquiétez pas, on a du tout aussi lourd. Voilà. Que Jambes en l'air. Bon, on passera plein de titres ce soir, il y aura du live aussi avec vous. Ouais. Toujours. On le disait, le parcours, il passe un moment par Davidson qui est là avec nous, qui vous a fédéré en tant que groupe, je dirais, en tout cas qui s'est occupé de vous dès le début. Mmh. La discographie d'MZ, ce sera quoi? Ce sera Avant la majorité, qui va sortir en premier. Avec tout le beau petit monde que je t'ai dit au début. Mmh. Et très vite, après, vous partez sur les MZ Music. Pas très vite. Ouais, Par contre, pas très vite. Parce qu'il y a aussi pendant ce temps-là, on était à l'école. Mmh. On était à l'école, il y a eu beaucoup de choses de la vie qui ont fait que, vas-y, la musique. Donc, petite pause. Voilà. La musique, on rappait toujours. On sortait des petits morceaux, mais la musique, on l'avait mis un peu de côté. Et c'est vrai qu'on était revenu avec le MZ Music Volume 1. Mmh. Ouais, et après MZ Music Volume 2 qu'on a pris beaucoup de temps à faire. Tu vois, qui était avant de le sortir, il était déjà prêt depuis longtemps. Tu vois, après on a rajouté 2-3 morceaux, tu vois. La mixtape c'était la mixtape MZ Music Volume 2, c'est ça? Ouais, allez, voilà. On l'avait bouclée, on l'avait bouclée. Un an avant qu'elle sorte. Ouais. D'accord. Elle est sortie le 1er juillet 2013. Et on l'avait déjà fini, le 1er juillet 2012, elle était déjà finie. Et entre temps, ensuite, on a eu la signature avec AD Basic. Voilà, c'est ça. Je voulais venir aussi là-dessus. Donc, évidemment, Davidson qui est à l'origine. Mmh. Et là, vous allez être associé. Vous êtes associé maintenant avec KD Basic. KD Basic. KD Basic. KD Basic. KD Basic. Si à compter jusqu'à 4, tu y arriveras. Ouais. Bah, t'es pas sûr. On est que lundi. Avec Mello Philo, avec Zoxy. Ça va, Zoxy? Ça va, ça va, toi. En forme? Ouais, super. Parce que t'écoutes beaucoup de rap français, donc t'es tombé à quel moment sur l'MZ? Au moment où j'étais au 104, c'est en 2009. Ouais. Voilà. 104, j'avais un atelier d'artiste. Un atelier, en fait. Ouais, d'écriture. Ouais, non, c'est un atelier d'artiste. Au sein d'un bâtiment qui s'appelle le 104 à Paris. Hein. Exact, j'avais 135 mètres carrés. Pas mal. Voilà, donc je préparais mon album, en fait, là-bas. Et tous les dimanches j'ouvrais l'atelier pour faire participer les gens qui voulaient savoir comment j'écrivais, savoir sans faux ni stylo, etc. Et c'est là qu'en fait lors d'un micro ouvert j'ai rencontré Mais t'as rencontré beaucoup de monde aussi d'ailleurs, ouais, au 104, hein. Ouais, ouais. Beaucoup de gens qui sont passés. Ouais, plein de gens, 95 aussi. Un 995 qui était passé, ouais. Voilà. Et donc un dimanche il y a Davidson et MZ qui viennent, Saxo, c'est un ancien du rap français, mais par les deux, mais dit où il viendrait, etc. Donc ils sont venus un dimanche, deux dimanches. Suite à ça, Davidson, on a gardé contact ensemble. Et en 2012, il m'a recontacté pour me dire voilà, le projet il est fini. J'ai besoin d'un petit coup de main, si tu peux y aller. Non, même pas, c'était déjà à la base, il voulait juste une écoute en fait. Et comme tu dis, moi j'écoute beaucoup de rap français, j'aime beaucoup le rap français, on rap outre-Atlantique aussi, normal. Et donc je suis toujours attentif aux nouvelles sonorités, aux nouveaux flows, etc. Et donc c'est là que quand j'ai entendu leur projet quasiment fini, comme ils disaient à 90%, j'ai craqué et puis on s'est associé en fait. Et qu'est-ce qui t'a fait craquer justement, c'est quoi? C'est le mélange des sonorités, C'était nouveau déjà, il faut préciser qu'ils sont. MZ, ils ont un son bien particulier qui est façonné par Equinox. Equinox est le beatmaker maison. Donc déjà il y avait une certaine cohérence dans le son et qui était vachement différent avec tout ce qui se faisait, tu vois. C'est-à-dire même si on peut dire c'est un peu le courant trap entre guillemets, il y a une autre manière de le faire. Il y a aussi du sample comme nous à l'époque, de ça jouer l'air, etc. Il y a des beats actuels. Donc c'est toute cette ambiance et les flows bien sûr. Ouais, les voix aussi. Les voix, les flows, comme tu dis, ils chantent aussi. Ils ont 3 personnalités bien différentes. 4 avec Rodka aussi quand ils posent avec eux. Donc voilà, en gros, tout ça a fait que ça nous a plu à mon frère Mello Philo et moi. Et hop, l'aventure était partie. Voilà, et c'est parti. Et c'est parti, et ça continue. Donc oui, c'est vrai, on le disait, la signature aussi avec Sony Music pour la distribution du projet. Mmh. Et puis avant aussi de sortir, je pense, évidemment, un album. Vous êtes dessus? Franchement, là, je vais te dire, on est sur quoi? On est sur MZ Music Volume 3. Qui est sorti le 10 mars et qu'on vient pour... Est-ce que vous êtes content pour l'instant? Franchement, ouais. Ça se passe bien? Franchement, bien sûr. Ouais, on est content. Mais franchement, je serais heureux s'il y aurait un disque de platine. Mais on va pas se plaindre. On est content. Bah allez-y, hein. Dites-nous si vous avez récupéré le projet de la MZ. Vous envoyez tous vos messages 41759. Ouais, les crevards, pas ceux qui téléchargent. Ceux qui achètent. Hein. Le hashtag MZ sur Skyrock. Qu'est-ce qu'on met comme autre morceau maintenant? Bon, tu vas nous balancer un petit coup de pression, tu vois. Okay, on a fini de fumer, teaser, etc. Ah, maintenant, on va, tu vois. On va passer aux choses sérieuses. Tu vas me faire un petit. C'est toujours sérieux, même fumer, teaser. Tu vas me faire un petit bret et tata. Bret et tata, le premier extrait qu'on a balancé, c'était quoi? Le 3 janvier 2014. Mmh. 2014. C'était pour annoncer la couleur de la mixtape, en fait. Donc, ouais, le premier titre qui arrive, c'est celui-ci. Bret et tata. Histoire de mettre une petite tête à terre, là. Allez, c'est parti, MZ sur Skyrock. S'il vous plaît. Écoute au plat qui nique sa mère Miami. Les bleus c'est les méchants, nous c'est les chantiers. Qui veut du touchy? Moi je suis pas trop belle là, plutôt Mariama et que Mémé. Je me souviens pas quand je l'ai mal mise, je les oublie quand elle m'appelle mon mari. Wesh les gars, va dites c'est quoi le boulot? Medjoula, Medjoula, mon dingue et poulet. Les MC sont forts, n'y crois pas, c'est des lol. Négro, ferme tes fesses, tu sers qu'à galoche. J'ai la dégaine, donc elle kiffe le bonbon. Shoot dans les couilles de ce con de Cupidon. Ballon cet été qu'on se tire sur Pluton. Mais jamais j'aurai le ventre que ton toto. Il faut une pétasse, pas sale, wesh chico. Je te cache pas avec un énorme don. C'est 4, c'est plat, dans les locaux du comico. Et bah la bombe, je sors tous mes chicots. Allez niquez vos mères, vous êtes même pas beau, même pas bon. Vous allez sauter comme Laurent Gbagbo. Oh, stop, je suis le meilleur avec trop d'évo. Là c'est le volume 3, bon euro, D-E-H-M-O. Oh, oh, un peu le respect de pour les ayo. Balance pas la famille comme D-O-J-L-O. Chante des échos quand je décroche mon bigot. Oh, oh, puis je balance ton cul du bas vers le haut. Prenez position, je parle à tous mes négros. Et comme ce gros larme de l'oseille, on arrose. Nouvelle mixtape renvoie sur le banc de douche. Hold up de 4 necks et tout le rap game couche. Crois-moi que les écrans n'importe quel bleu louche. T'as mis des rockers, t'es wanted, grippe tous les feux. Bolos, indique plein de clichés. J'ai ce que j'ai à faire, ce que tu penses, mon table. J'ai dessous à prendre, s'il te plaît, fais pas chier. Dans ce rap de merde, y'a pas d'amitié. On est best, demande au litier. Touche à la bif, on a plus l'âge de jouer. On t'envoie à la salle, fait sans pitié. Hey. MZ musique, volume 3, chaud bouillant dans le magma. Tu fais bang bang flow, j'vois les mêmes clics. Le volume 2 leur a fait sentir la tac pas. PG, chevalerie, sache pas. Ton rappeur préféré va se faire slagma. Ils sont pas prêts pour le bogman. Pour l'instant, on leur met des petits coups de crackma. Oh, oh, un peu de respect de pour les ayo. Balance pas la famille comme Dio Jello. Chant des échos quand j'décroche mon bigot. Oh, oh, bitch balance ton cul du bas vers le haut. Prenez position, je parle à tous mes négros. Et comme ce gros lard de le zéro, on arrose. Voilà, Charia. Il nous regarde haut, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité, l'escalier, donc à bientôt. Suis le son de nos voix et dis-moi ce que tu vois. On est quatre, comme les quatre saisons dans le rap, on vient faire la météo. Alléluia. Quatre hommes, les points cardinaux, du nord au sud, de l'est à l'ouest, notre blase se propage dans les ghettos. Alléluia. Quatre négros, quatre flous, deux boules dans la sono, prédos dans la cheveux, nous boules sur la bibi. Bibi, bibi, bibi. Davidson, j'ai le bise à la Didi. Jock, Pololo et Kebigi. Bitch, allume ses pétasses comme l'île qui me fait toi, ma bibi. Bibi, bibi. Connecté par la vie d'au débit. J'suis défoncé comme au DB. C'est à nos tours de briller dans le king de Bulbi. Bibi, bibi. Nique le rap game, le rap game. Nique la relève, nique la relève. Nique leur punchline de merde, j'écris des déclarations de guerre. J'suis connecté par la vie d'au début. J'suis défoncé comme au début. C'est à nos tours de briller de Modo King de Bulbi. Oh, oh, un peu le respect de pour le Zeyo. Balance pas la famille comme D'Angelo. Chant des échos quand j'décroche mon bigot. Oh, oh, bitch balance ton cul du bas vers le haut. Prenez position, je parle à tous mes négros. Et comme ce gros lard de l'osé, on a suivez-nous sur Twitter, arrobas MZ Group, Instagram, arrobas MZ Group, ça tweet sur Facebook, MZ officiel, c'est la MZ Skyrock. Grosse dédicace à Phil à Bourg-en-Bresse. Yeah, les supporters, les fidèles. Wesh, j'ai envie de 13, Raïssa. Rététaté, rététaté. MZ officiel, Jack. Hein? C'est la MZ sur Skyrock toute la semaine dans Planète Rap. MZ officiel pour avoir plein d'enseignements sur le groupe, allez-y, ou alors le @MZ Group, que ce soit sur Twitter ou Instagram pour récupérer toutes vos petites photos aussi. N'hésitez pas. La MZ dans les bacs également depuis le 10 mars dernier, c'est ça? Mars. Depuis le 10 mars dernier, il y a le projet MZ Musique Volume 3 qu'on va aussi découvrir cette semaine. Hein, toujours dans les bacs, hein, pour ceux qui veulent aller les chercher. Et la nouvelle, nous venons de l'apprendre à l'instant, vous êtes troisième en TT. À l'instant même, donc continuez avec le hashtag MZ sur Skyrock. Merci, continuez à tweeter si vous aimez bien, même si vous aimez pas, c'est pas grave. Beaucoup de supporters qui... On vous aime bien, nous. qui suivent la MZ, beaucoup de gens qui suivent. Mais ça, vous l'avez senti sur ces 7 dernières années que ça montait petit à petit, petit à petit? Ouais, on a senti ça, parce que, voilà, avant, il y a... On va dire que quand on a commencé le rap, dans notre ville, à Paris, 13e, on était confirmés. Tu vois, et après on allait voir un peu partout, tu vois, on était connu mais pas connu en mode professionnel, tu vois. Et voilà, après comme on a dit, on a mis une petite pause avec l'école, tout ça et tout ce qu'il y avait autour de l'école. Et voilà, on a commencé à prendre le rap au sérieux. Enfin, il y en a, moi je le prenais pas vraiment au sérieux, mon pote, tu vois, je l'ai jamais dit, mon pote il le prenait au sérieux. Ah ouais. Mon pote il l'a pris au sérieux. Révélation ce soir. Non, moi direct hein, moi c'est du direct. Ça mais comme ça lui. Non mais est-ce qu'on se dit oui qu'on va pouvoir faire carrière un petit peu, au moins sortir des projets? Un rêve. À la base c'est un rêve. C'est comme un petit qui joue au foot. Il se lève le dimanche matin, il va dans le petit club qui est derrière chez lui. Lui, son rêve, c'est de gagner la Coupe du Monde. Voilà, mais dommage, il est sur le banc, t'as vu? Voilà. Et nous, on avait 14-15 ans, on sortait de l'école. Davidson, il venait nous chercher, on partait au studio. Notre rêve, c'était, ça allait toujours de demain tout niquer, d'être le numéro 1. Ouais, ça, vous avez ça en tête, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas numéro 2 ni numéro 3. Non, nous on n'aime pas les trucs comme ça, tu vois. Là quand on est là, présent ici, c'est pour aller au sommet, tu vois. Et le sommet, même un sommet que personne n'a encore jamais atteint, tu vois. On va pas se reposer sur nos lauriers. Donc elle est encore plus haut. Elle est toujours, elle est toujours haut. Vous avez des modèles d'ailleurs dans la musique, des gens, des groupes dont vous admirez la carrière? Il est là. Mais ils sont là. Il est là, il y a Zoxy. Zoxy. Avec son chapeau. Zoxy. Il est toujours fait une collection de chapeaux. T'inquiète, moi aussi j'aurai un chapeau. Toujours. Non, posez calme, non. Bah ils sont là, hein, frère. En mode. Non mais je disais oui, vos références ou en tout cas musicales, les gens que vous admirez, le parcours. Admirer, que vous admirez. On admire personne. Ouais, on admire personne. On aime bien écouter de la musique quand c'est bien. Quand c'est bien fait, quand c'est nouveau, tu vois. Nous, on aime bien. Tu vois, des fois, on écoute des sons, on les écoute à longueur de journée, on sait même pas c'est qui chante. Juste la musique, elle est belle, c'est tout. Ouais, on aime bien écouter de la musique. Après, admirer quelqu'un, prendre pour exemple. Voilà quoi. On a nos grands frères, nos parents. Mmh. Voilà. C'est bien. Non, mais quand je parle plus d'admiration musicale, ou en tout cas, voilà, des goûts musicaux, quoi. Des goûts musicaux. Michael Jackson, j'aimerais bien chiffrer comme lui. Pourquoi pas, bah ouais. Chiffré comme lui, mais ouais, tu as raison. Ça sera un kiff, ça. Mmh. T'as raison. Mais bon, faudrait que vous tweetez encore plus et que vous achetez le CD. T'as vu? Ouais. Bah oui, parce que tweeter c'est bien, mais acheter c'est un peu mieux aussi. Ouais, non, pas un peu, beaucoup. Mais c'est beaucoup mieux. Ouais. Donc n'hésitez pas. On peut le trouver évidemment aussi un peu partout, hein, sur. Partout. Je parle sur les sites de téléchargement, tout ce qui est légal. Hein. Légo partout, tout ce qui est légo. Sur iTunes. Arrêtez d'être des voyous sur le net un peu, là, achetez. Le hashtag MZ sur Skyrock pour balancer les messages. On va revenir dans quelques minutes. On mettra quel titre? Allez, le Bang Bang Flow, c'est ça? Ouais, on va faire un petit retour en arrière. Un petit bretet à terre, mais en mode plus ancien. Et on découvrira ça dans quelques minutes. Tu peux nous expliquer Bang Bang Flow? C'est toi. Comment ça s'est passé? J'étais inspiré. Je suis parti chez Equinox, le beatmaker. Le beatmaker officiel donc de l'MZ. J'avais une mélodie dans la tête. Bim, on a commencé, bam, bam, bam, cette mélodie, piano, clac, clac, clac, bam, l'instru est faite. J'appelle le Joker, je lui dis, ouais, putain, j'ai une putain d'instru, non, non, non, non, non. Et il me croit pas, et j'ai un... Puis, écoute, il pète un plomb. Tu m'as pas appelé, moi. Après deux mots, on était chez Joker, il ramène l'instru, démo, il écrit en 15 minutes, le refrain, on l'avait déjà écrit, moi et Joker, et paf, et le clip, le son n'était même pas encore enregistré. On l'a fait en freestyle, le clip. On a mis le freestyle avec 400 un workshop. C'est bien en avance, en fait, ouais. C'est ça le truc. Et en plus, il est extrait du volume 2. Hein. Là, ouais. Le volume 3 qui est sorti le 10 mars 2014, le volume 2, il est sorti le 1er juillet 2013. Mais le Bang Bang Flow, ça fait combien de temps? Un an? Ouais, pratiquement un an. Ouais, Mais vous allez voir, il est toujours d'actualité. Et bon, on va l'écouter dans quelques minutes. S'il vous plaît, monsieur. Ne bougez pas juste après la pub et on vous file l'album dédicacé de la MZ. Il faut répondre à cette question. Vous pouvez bombarder au 41759 ou avec le hashtag MZ sur Skyrock. Question simple. Qu'est-ce qu'il y a? Son Bang Bang Flow, il est pas là. Bon, on va le trouver. Que signifie l'abréviation MZ? Vous répondez à cette simple. Ouais. Vous répondez à cette question, vous repartez. Mafia Zaïroise. Mafia Zizi. Vous repartez avec l'album dédicacé de la MZ, allez-y, vous balancez. Bougez pas, on revient après ça. Grosse dédicace. MZ a choisi Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est la MZ sur Skyrock cette semaine dans Planet Rap entre 20h et 21h. On fait les présentations avec la MZ. Vous envoyez aussi vos messages, les photos. Il y a plein de jeunes filles qui envoient des photos pour vous, les gars. Ah ouais, elles sont toutes mignonnes. Ouais. On vous aime. Allez-y, vous pouvez balancer sur skyrock.fm les photos via l'application Skyrock que vous téléchargez un peu partout pour envoyer de la photo. Tiens, si vous avez acheté, regarde. Regarde, c'est Clem du 10 qui nous montre les pochettes de MZ Music. Regardez ça. Il a envoyé la meilleure photo de la soirée là. MZ Music volume 2, volume 3. Ouais, volume 2 et volume 3, il les assure à la maison. Elle doit avoir du son lourd. C'est qui Fred, c'est qui tu m'as dit? Clem du 10. Dédicace à toi, Clem du 10. Merci pour le soutien. Dédicace. Et dédicace à Chachaï aussi. Elle a demandé sa dédicace. Bon, on écoute un autre morceau. On est parlé juste avant de Bang Bang Flow. Ouais, mais on leur a mis une fin de deux corps en fait. D'accord. On va écouter celui qui avait dit de mettre jambon en l'air. Ah bah c'est un peu beaucoup de monde qui a demandé justement jambon en l'air. On va se mettre jambon en l'air. Et... parce que ça a été le morceau le plus demandé quand on a dit voilà, ce soir on reçoit la MZ. Qu'est-ce que vous voulez écouter comme morceau? Le projet est sorti. Et en nombre, les gens demandaient jambon en l'air. Vas-y, vous nous faites plaisir, on vous fait plaisir. Et ben jambon en l'air, ça a été le premier son qu'on a enregistré pour la mixtape. Ça, c'est ce que j'aime savoir. C'est le premier son qu'on a enregistré pour la mixtape. Inspiré par. L'inspiration, elle est venue le jour du tournage du clip Fonce D. Ça remonte encore. On a que des petites aspirations qui viennent comme ça. Comme ça, en tournage. Oui, toujours au lendemain, comme ça. Et jambes en l'air est arrivé, bam. Voilà, on était dans les loges du clip, bam, jambes en l'air. Bam, bam. Et ça donne ça. Et ben ça donne ça. Ce qu'on écoute, c'est le résultat maintenant. MZ sur Skyrock avec le hashtag balancer les messages. Tweeter. C'est ça que j'aime. C'est ça que t'aimes. C'est ça que neuf cache franco film rime frappe. C'est ça que neuf cache franco film rime frappe. C'est ça que neuf cache franco film rime frappe. Aïe aïe aïe, j'prends mon pied là, les jambes en l'air. Le prix d'une plaque de son, j'ai oyé. T'es des JP comme un Jeff. Toujours le même, même si j'ai signé, tu peux toujours me voir au checks. Défoncé sous cheese, on s'en bat les couilles des ragos. Que mes niagas veulent, c'est de la marchandise. Après les prises, les risques et les charbonnages, je connais ces jours de paye. Égale gros sous, sans oublier que ça rime avec grosse peine. Je connais ces pignettes, toutes ces bitches, tant qu'elles nous parlent pas de nausées. Maintenant les tasse-pays veulent se poser. Oser. Sous Belize avec une yada ou une tasse au tello. Faire du gros saut comme on en a l'habitude, son suce c'est le moindre pello. J'aime trop mon équipe cardio, R.O.D. Demo Davidson, Jesse Jess, le binôme sommet l'enfilo. Depuis 23 équinoxes, qu'on est fait que fumer comme des vrais tox. Pas qu'avec le volume 2, ils ont réellement compris qu'ils sont les vrais boss. Avant de finir, je tenais à dire que j'aime ceux qui nous soutiennent. Ok, j'aime aussi les meufs bien. On ne va pas humilier les gros chiens. Les gros billets, soirée fonce des les gros fessiers. On est pas d'accord, mais n'appelle pas les policiers. On aime pas ça. Ça frappe et c'est pas cher. Aïe aïe aïe, j'prends mon pied là, les jambes en l'air. Meuf cache, franco ferré, frappe tes vagues. Meuf cache, franco ferré, frappe tes vagues. C'est ça que meuf cache, franco ferré, frappe tes vagues. Aïe aïe aïe, j'prends mon pied là, les jambes en l'air. Fume ton calumet de la paix. fume ma chicha de la guerre. Arrête de nous dire que c'est la hesse et bouge ton boule pour faire l'oseille. Tu pues de la chatte, meuf, j'ai la haine. En fait, tu respectes pas ma dégaine. Abracadabra, joue ma braguette et vois comment elle est magique, ma baguette. J'fonce dans le tas, j'en fais qu'à ma tête. Vaut mieux avoir les couilles que vrai les pecs. Mes gars vendent des litres, on tue grave des sticks et ta vie nerveux, on s'en bat les steaks. Vous parlez trop, moi je vous aime pas. Vos rappeurs falches, moi j'adhère pas. C'est DEH, ces rap ne marchent pas, je reprendrai la vente de H. Faire la jao. Ouvrir ta bouche dans tout Paname, c'est ça que t'aimes. Les femelles que tu convoites en faisant le canard, c'est ça que je gère. Elle est bonne, elle est discrète, elle me fait du bien. C'est elle ma belle. Rappe un peu, ça fait plaisir, mais devant la juge, ça coûte très cher. Cher, cher. Donc si c'est pas ta mère, je m'en fous, je leur dis, hey, cher, cher, cher. Moi et mes gars, on boite, fonce derrière, rien que je peux d'elle. D'elle, d'elle. Elle, elle est moche, elle veut mon nu, moi je veux pas d'elle. D'elle, d'elle. Non, yeah. C'est ça que j'aime. MZ. Des gros billets, arrobas MZ Group sur Twitter. Arrobas MZ Group sur Instagram et le Facebook c'est MZ officiel. MZ sur Skyrock. Aïe aïe aïe, MZ sur Skyrock. Allez, j'y avais vécu. Cache en conféré. Grosse dédicace à Boob sur son conféré. Frappe. Me cache francophéré. Un joker dit lorsqu'on aime. Mon gros c'est ce que j'aime. J'aime les gros claps et les grosses basses. Les bonnes passes et les grosses liasses. Oui j'aime as. Les soirées sous zen et si vodka et herbe grasse. Les poufiasses, les pétasses, les chaudasses et les grosses tasses. Lorsque je mets dans les tiètes passes et que mes négros les caillasses. Smoker la puff avec mes refs. Fourrer des tuches, faire la teuf. Les prendre dans le vrai temps. Prendre caquement le mon bas vente. Contre leur seuf et pas la sainte ni touche. Au fond, je sais que c'est ça que t'aimes. Vu que je rappe ma vie. Violence, monnaie, sexe, c'est ça le thème. Je rêve de la sassama Johnny. Que ça rafale ou usine sur la police. De marcher comme un pim pip, comme une roi. Il m'a reste là. Ouais, toujours dans la fin. Jean Borlaire à l'instant. Une histoire sans fin, si j'ai bien compris la fin du morceau aussi. Non, la fin, elle est trop. Oula. Elle est trop hard. Il fallait couper avant, en fait. Ouais, j'ai pas me faire assassiner. MZ Music Volume 3, c'est dans les bacs depuis un bon mois maintenant. On peut le récupérer toujours. On peut télécharger légalement aussi. N'hésitez pas. Et on va passer maintenant au freestyle par téléphone avec Kéfir de Saint-Etienne. Salut Kéfir. Yeah, ça va Frédérico? Voilà, c'est bien, t'en profites parce qu'il y a Zoxyke là, c'est ça, tu retournes en arrière. Je fais un petit retour, retour des masters. Ça va bien Kéfir? Oui, et toi? Bah écoute, je te présente la MZ. Yes, MZ Music. Ça va ou quoi Kéfir? Tu les connais toi Kéfir ou pas MZ? Bah écoute, je les connais par le biais de Zoxy, bien sûr, ils sont chez KD Basic. Mmh. Et je les ai vus en concert à Lyon pour l'Original Festival justement où... Au Trabendo, Transborder. Au Transborder. Transborder. Ouais. Tramendo, c'est à Paris, il me semble, non? Oui, c'est autre part. Ouais. Non, c'est Transbo du côté de Lyon. Donc ouais, toi, tu les as vus sur scène? Je les ai vus sur scène, ouais, parce qu'en fait, il y avait les Sages-Po qui étaient justement programmés pour l'original, normal. Mmh. Et du coup, ils ont comme d'habitude, hein, les Sages-Po, les Oxy, etc., ils aident les jeunes, notamment avec à l'époque avec Beat de Boule. Donc voilà, je pense qu'ils ont voulu les mettre en avant et c'est super bien parce que du coup, je les ai découverts ce jour-là, vraiment sur scène et tout ça. Et j'ai vu que c'était une grande famille. Voilà, t'as tout dit. Mais Kéfir, il adore le rap français. Il rappe lui-même d'ailleurs, vous allez le voir, parce qu'il fait freestyle par téléphone. Il a sorti un projet qui est aussi toujours dans les bacs d'ailleurs, Kéfir. Hein. Yes, ouais, c'est Kaya Intime, toujours dans les bacs. Ouais, faut aller checker et ça là. Et il est fort, il écoute tout, il écoute plein de choses, Kéfir. Et Kéfir, ça va? Il est dans les studios là? Mais Zoxy, il est là, ouais, il t'entend. Ah bah, un grand bonjour alors à monsieur ZOXEA. Il y a Mélophilo aussi qui est dans le coin. Mélophilo, bien sûr, la famille. Bon, Kéfir, on t'écoute rapper maintenant, c'est parti? Yes. Session freestyle par téléphone, on y va. Ok. Yo, ok, check. Ça fait. J'essaye d'emmener l'auditeur au-delà de ce que mes mots illustrent, planer sur le pura et m'imposer. Nautilus, j'émerge des profondeurs invisibles pour vos sonars. Un parasite en visite, nuisible, bloqué sur sonar. Voici ma carte de visite, toujours aussi précis sur le beat. Les wax, on peut expliciter, investi sur le feat. A chaque fois que j'écris un freestyle, je peux pas m'empêcher de les citer. C'est Tech-Neck, fracaille avec l'esprit toujours dissipé. Dirigé vers les faux DJ wax. Breakdancer, auto-yeur, mec des fat claques. Bud Spencer, mec t'es trop nul. Tu devrais te serrer dans ton fief. Si on payait un impôt sur le ridicule, tu paierais l'ISF. Docteur Kéfir, Mister K, farmé tel plein, farbande de bâtards, shooter les bâtards, toutes ces bandes qui se prennent pour les princes du Qatario. Je m'adresse à tous ceux qui mettent des bâtons dans les jambes, ça se répercute dans les ventes, car leur album somme. Ils se croient doués, tous jouer des jouets goûts, mais tout leur plan des boules écoulés, les écroulés, tout le coup, les fini de jouer. Yeah, flashback sur ma live, je rappe depuis l'âge ingrat. Et à cette époque, y'avait un script pop dans mon agenda. Je me souviens des postcards, Corio, Bombay, Guerta, exprime sur les murs l'artiste qui sommeille en toi. Artiste, graffiti, esprit, solidarity, peace, unity, love. Yeah, Kéfir, yeah, dédicace à One Mike, on est Al. Voilà. Ok, Kéfir à l'instant. Kéfir, t'as toujours une bonne prestation. 32 mesures. Toujours bon, hein, Kéfir. Tu nous as fait combien là? Combien de mesures? Là, je t'avouerai que j'ai fait un medley. J'ai rappelé tous mes textes, du coup, j'oubliais, je repartais sur un autre. Ce que t'as fait, un big up. C'est lourd, hein? Ah, lourd. Par téléphone, je vous assure que c'est pas évident. Je sais pas si parmi vous, il y en a déjà qui ont essayé le freestyle par téléphone, parce que ça reste un grand classique maintenant de l'horizon. Il répond jamais. Il répondait jamais quand on essayait. Qui ça ici? J'ai pas de crédit en fait. Non, je rigole. Non, franchement, lourd, Kéfir. Tu es fou d'avoir dit ça. Je sais pas à qui je m'adresse, du coup. Je vais m'occuper de 2-3 personnes ici. Ah ouais. Ah, je rigole, c'est une petite balle. Non, vas-y, Kéfir. Allô, Kéfir. Ouais, on t'écoute, vas-y. Ouais, voilà, il y a l'album Cahier Intime. Et juste un truc, on a sorti aujourd'hui, il y a même pas 15 minutes, un nouveau clip qui s'appelle Ici. Ici, comme ici, c'est Paris, voilà. Ouais. Et moi, c'est Kéfir, K-E-F-Y-R. Ça roule, Kéfir. Voilà. Bah, merci d'être passé une fois de plus. Bravo, merci, à toi. Merci, big up et bonne chance vraiment à l'AMZ, parce qu'ils sont bien merci, entourés. Merci. Parce que KD Bizik, c'est vraiment des bons gars et j'apprécie beaucoup leur taf et voilà. Toi aussi, bonne chance à toi merci, aussi. Merci. Tous tes projets marchent, mon pote. Je vous remercie, vous aussi. Bonne chance. Et bah, bon courage pour la suite. Merci à toi, Kéfir. Passe une bonne soirée. Et là, on va peut-être partir, non, pas sur le live tout de suite, on va mettre encore un autre morceau. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Bon, on va mettre un morceau de MZ Music Volume 3. Zoxy, qu'est-ce que t'en penses? Il faut défendre le projet. Allez, mets l'huile de fiel. Je kiffe trop, j'aime. Ah, ok. On se le rebalance. Bah, on peut le rebalancer. Ouais. On refume, on rechise et on rebaise. Bah, une demi-heure après, on est reparti, quoi. Ouais, c'était la petite pause. Allez, on écoute ce morceau, c'est extrait du projet. Oh, Mikey. MZ sur Skyrock, l'hashtag. Dis qu'à ça, tiens phare. Grosse dédicace à la team démo. Grosse dédicace à Grégoire qui est malade. Son frère, il a dit dédicace. Et ben voilà, elle est là la dédicace. Grosse dédicace et bonne guérison. De la zèbre, de la cheese dans la brochure. Des bad bitch très alléchants. Mes gars va se rendre désagréable. Et micro ta soirée, tu commences à jouer à la meuf chiante. Écoute ma belle, on est toujours direct dans nos propos. Propos, je sais que tu fais pas la milito. Tu dis plus mes putains de bédo. Avant que je te mette ta part, lève-moi tout le neuf j'ai dans le dos. Tu sais, je suis pas là pour jacquer. Je veux juste fumer. Ton crâne une taille de jacket. Dans mon délire, je suis foncé. Le voisinage t'entendra crier toute la soirée. Par contre, tu casses tout le rire dès que tu veux faire du sérieux. Baby, je t'attends. Non. Suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Non. On fera rien de bien méchant. On va juste fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Qu'est-ce que t'attends? Ouais, je sens froid. Suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Non, on fera rien de bien méchant. Wesh, DC Jess, en direct de Vars, c'est comment? Grosse dédicace à Grenoble, avec les mecs de Grenoble, c'est la France. Dans la chambre, on va fumer, teaser, baiser. On va juste fumer, teaser, baiser. Non, d'abord tu vas me branler. Là, c'est Marlo, là. Même pas de me sus. Ouais, ici du collectif, Davidson présente. Viens avec des copines. Je serai avec Joe et Pim sera du sprite de la famille. On sera le Marlo. Bébé, vous serez plus en chaleur qu'en août. Pour le rap, pour le sexe, t'as confiance en nous. Donc vous viendrez comme des chiennes en loup. On sera sous piaf. Je sais que t'aimes sa coquine. Une soirée inoubliable que tu raconteras. Tu t'es, @MZGroup. Non. Y a le clip toujours présent sur YouTube. De fiel. Non. On fera rien bien. Et achetez-moi ça, Instagram et Facebook. Achetez-moi ça, pas illégal. Fumetise et baiser, qu'est-ce que j'attends? 3. Non, suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Non, grosse dédicace, écoute le BG. Tu saches quoi, et tu vas le baiser. Fumetise et baiser. Je veux juste chicher, tease et prendre du plaisir. J'emmerde ma conscience, ma santé, je sais que tu me désires. Je veux que tu sois ma salopolie et ta bouche, la meilleure conseillère de mon zizi. Je suis fou mais tu t'en fous, je suis pas ton mec, ni ton ex, ni ton futur, juste ton meilleur coup. Et je te monte en l'air sans jamais que t'atterris. Je veux la baiser sans le besoin de dire bébé. Et elle veut me baiser jusqu'à ce que je crie mais il est présent dans tes zones érogènes où j'en sers une autre. Sûrement avec un plus gros dos, je m'en bats les couilles, c'est pas de ma faute. Bébé, je suis foncé. Rejoins-moi, accroche-toi car le septième ciel n'est pas loin. Ce soir, sois ma huit neige, prête ton popi, fume mon tison baison toute la nuit. Vis cette nuit comme la dernière de ta vie, mouille les draps du lit, crie, réveille toute la ville. Je sens ton cœur qui bat vite, tes paupières palpitent. T'es tombé accro à ma, je suis ton héroïne. Ce soir, rien ne sert de trop parler, consomme-moi jusqu'à l'overdose. Tout ce qui se passe dans cette piole, reste dans cette piole. Le vrai négro fait vraie chose, bébé, je t'attends. Toujours sur YouTube, hein. Suis mais par ce style. Non. Grec F. Bien méchant. Hélène. Fumétise et baiser. Fumétise et baiser. Fumétise et baiser. Fumétise et baiser. Qu'est-ce que t'attends? Non. Suis le son de ma voix rentre dans la chambre. Allez, braquez vos fnacs. On fera rien bien méchant. Juste fumétise et baiser. Fumétise et baiser. Fumétise et baiser. Fumétise et baiser. Rentre dans la chambre, on va fumétise et baiser. Ah, dédicace à Madame Timoski. C'est loin l'époque du collège. Hein. Fumétise et baiser. Moi je Philippe, ou quoi, ma famille. Ouais. Toujours dans les bacs, toujours à la Fnac, toujours sur iTunes. On compte sur vous. MZ Music Volume 3. Wesh Nanou du 93. Big up à Mallory. Fumetise et baiser. Aïe. C'est extrait du projet MZ Music Volume 3. Et pendant ce morceau, il y a eu un message très drôle qui est arrivé pour l'un de vous. Ouais, c'est moi, madame. Madame Timoski, prof d'SVT au collège. Voilà, elle m'a passé. C'est un vrai prof d'SVT qui a envoyé un message là. Franchement, elle se souvient de moi. Pourtant, j'étais super calme. Hein, alors, le message était bravo, tu es devenu quelqu'un malgré ton 2 sur 20. tu vois ça le problème des profs, elle déclare tout, même aux parents, même à Skyrock. C'est bien, les profs continuent à balancer des dossiers. Là, il est là. Le message est là, ouais. Bravo, Demo, je suis ta professeure de SVT du collège Elsa Triolet. Tu es devenu quelqu'un, même si tu avais 2 sur 20 de moyenne. Ouais. En tout cas, vous l'avez vu en commun aussi, cette prof-là, ou pas? Quelqu'un l'a eu ou pas? Non, j'étais dans un collège de privé, pour les gens super intelligents. Donc, tu vois, c'est pas tout le monde qui peut y aller. Ah oui, c'était un niveau très particulier. C'est pour ça, 2 sur 20. Si t'as 2 sur 20 ici, alors dans leur collège, tu peux avoir des 18 faciles. Ouais. Non, pas 18. Ah, moi, on était avec HP là, à Thomas Mann. La jungle. Ah, c'est le collège, c'était la jungle. Ah, ouais, d'ailleurs, HP, il est pas resté longtemps. Ah non, HP, collège sur collège. Hein. Grosse dédicace au mec de quai de la gare aussi. D'ailleurs, oui, ça a donné quoi les études pour vous, les gars? Parce que tout à l'heure, vous disiez, on a stoppé un peu le rap pour les études, genre très sérieux et tout. Non, en fait, un truc tout bête. Hein. Mm. On dit pour les études. C'est du, tu vois, les études, après il y avait toute autre chose à côté, tu vois. On vient de Chevaleret, une cité, chacun. Mmh. Et il y a autre chose que l'école à côté. On est, tu vois, quand on dit l'école, c'est plus conseil pour les petits frères qui sont derrière nous. Des, tu vois, on chante fumétise et baiser, mais tu vois. Mais il faut quand même, voilà, il faut garder juste milieu. Donc, Madame Timoski, si j'ai eu 2 sur 20, c'est parce que je devais bicrave et en embrouille, tu vois. Je n'avais pas trop le temps de réviser, tu vois. Mais là, tout va bien. Là, tout va mieux. Voir, il est en pleine forme. Ouais, je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme, je suis là, je vous passe le big up à vous. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres qui ont des 2 sur 20 et que vous arrivez à les aider. Par contre, moi je suis preneur de tous les dossiers sur tout le monde, donc n'hésitez pas à me les balancer dans la semaine 41759. Et moi je suis preneur de tous les dossiers sur Fred. Bon bah. Comme ça on va commencer une bonne guerre, on est déjà lundi, on va commencer une petite guerre. Hein. Je pense que j'ai un peu d'avance sur toi sur les dossiers. Désolé, mais c'est parce que j'ai un c'est ton métier. Tout petit peu plus vieux que toi. Il y a quelques mois, moi, on est quelques mois. Je suis qu'une grande bouche, tu vois. C'est renseigné. Bon, on est prêt pour le live, messieurs. Est-ce que vous êtes prêts pour le live? Ah, on est toujours prêt. Ah, c'est un inédit hein, qu'on... Ah, c'est pas sur. Ah, je pensais que c'était sur le volume 3 ou le volume 2 ou le volume 1 ou le. On vient, on peut pas te ramener un cadeau qui a déjà été touché nous une occasion. On vient, on te ramène un truc tout neuf. C'est un inédit. Donc c'est quoi, morceau inédit? Voilà. Qui a été fait quand? Robert Kalina. Qui a été fait comme ça. Comme ça. Ouais, comme ça. Ouais, pour l'émission, pour les auditeurs. Ouais, pour vous. Et on va vous expliquer avant, tu vois, le morceau, le concept, Robert Kalina. Mmh. Voilà, il s'appelle Robert Kalina, le morceau. Et c'est, tu vois, sur chaque billet, pour ceux qui ont pas que des pièces, Bah, il y a des petits monuments derrière le billet, un petit pont, tu vois. Ça représente, en fait, ça représente l'argent. Tu vois, c'est Robert Kalina qui a remporté le concours de celui qui va poser son monument sur le billet. Et ça, c'est les euros, ça, en gros. En fait, quand on veut parler d'argent, on parle de Robert Kalina. Tu vois, comme aux États-Unis, comme sur chaque billet, c'est un président différent. Exact. Par exemple, il appelle par le nom du président. Mais ben nous, par Obama, par exemple, tu vas à Obama. À Obama. Bien, ouais, non, mais Obama, c'est peut-être dans ouais, ça arrivera. Dans 100 ans. Mm. Et ben nous, c'est Robert Kalina. Très bien, et ben on vous écoute maintenant, donc en live. MZ. Ouais. C'est parti. Ok. Ouais. Ok. Chechezou. Ok. Check. Quand tu parles de concurrence, si c'est nous, on le vit bien, vu que t'es même pas fort, poteau. On baisse ces salopes que tu considères comme fille bien, et là t'as pas tort, poteau. Tous les chemins mènent, je sais même pas où j'en ai rien à foutre, vu que je suis fucked up, poteau. On va pas traverser le pont de l'enfer, et je me dis que c'est à cause de la marque de Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Non, non, non, non. Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina, Robert Kalina, Robert Kalina, Robert Kalina, Robert Kalina. C'est la concu, échec tu kiffes. J'avais la flemme donc j'ai repris le flot de riz dans le bif. Il me faut un tas d'oseille, c'est instinctif. Qu'est-ce que je m'en bats les reins que tu préfères plein foot dans le pif. Je passe d'un sujet à l'autre comme tous mes plans tombés à l'eau. Comme tous les petits bâtards qui sur nos faces deviennent parano. MZ, LSM, j'ai la haine parce que j'ai pas ce putain de disque de platine et vos affiches. Voilà, je m'en bats les yeux. Yeah, comme Lil J, je me la raconte comme une grosse tasse. Grosse tasse. Fais gaffe, mec, y'a que maman qui a le droit de taper. La vie est pas juste, la vie est une pute. Donc qu'est-ce que t'attends pour la baiser? La baiser. Arrête d'envier, poteau va faire du papier. Ouais, poteau va faire du papier. Tu parles mais tu peux même pas me frapper. Starful là encore, moi me canner. Vous êtes des putes, veuillez vous calmer. La vie est pas juste, la vie est une pute. Donc qu'est-ce que t'attends pour la baiser? La baiser. Arrête d'envier, poteau va faire du papier. Quand tu parles de concurrence, si c'est nous, on le vit bien. Vu que t'es même pas fort, poteau. On baisse ces salopes que tu considères comme fille bien. Et là t'as pas tort, poteau. Tous les chemins mènent, je sais même pas où j'en ai rien à foutre. Vu que je suis fucked up, poteau. On va pas traverser le pont de l'enfer. Et je me dis que c'est à cause de la marque de Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Prométhazine, codéine, j'suis fucked up. Fucked up, fucked up, fucked up. Joint d'huile, j'ai ma tête dans le blackout. Blackout, blackout, blackout. Ici l'ambiance vire souvent sauce ketchup. Ketchup, ketchup, ketchup. But de sœur, prends mon sperme, produit des make-up. Les mecs, c'est un hold up en live de Skyrock. On les braque à visage découvert. Bang, bang, flow, blatatata. Nique le rap game, on les pour leur faire la guerre. Ce n'est pas pour faire la paix qu'on pète nous calumer. Parle calmement dans mon tech, tu peux te faire allumer. Moi les billets, tu calcules. Moi, les putes de calcul, donc comme Kalina, Pololo veut se faire câliner. Yeah, il me faut du vert jaune violet pour colorer ma vie. Colorer ma vie. J'ai trop traîné, erré dans les rues de ma ville. Promis des choses à maman et à mon ghetto. Et mon grand frère vient d'avoir une fille. Avoir une fille. Donc je veux du vert jaune violet pour colorer ma vie. Quand tu parles de concurrence, si c'est nous, on le vit bien. Vu que t'es même pas fort, poteau. On baisse ces salopes que tu considères comme fille bien. Et là t'as pas tort, poteau. Tous les chemins mènent, je sais même pas où j'en ai rien à foutre. Vu que je suis fucked up, poteau. On va pas traverser le pont de l'enfer. Et je me dis que c'est à cause de la marque de Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. Yeah, yeah. Robert Kalina. H-A-C. Robert Kalina. H-A-C. Robert Kalina. Robert Kalina. Robert Kalina. On a descendu la Grégousse. On arrive, on casse tout. Bloqué au rap, parlons sept ans. Puis le note vous baisse tous. MZ, musique volume 3. Dans les bacs, on est hal. Tous les projets de l'année, je t'assure qu'on les fesse tous. Je pèse. Je pèse. Y'a de l'eau à choper. MC, qu'est-ce t'as? Casse-toi, tu veux un featuring, qu'on se connaît d'où? Garde la chepée. Le rap game ça prend plein de boules. Touche à Ménaga dans la foulée, on déboule. Quelques enfants gâtés, je vois trop de rappeurs éclatés. Je devrais personne de notre caté, on le touche dans la poule. Bang, La vie trop présente qu'à des bisous. Le binôme Jesse Jess Marlowe que des missiles. Moi je les jaloux, moi je vous kiffe. On peut se tomber à pic, j'ai grave envie de me vider la vessie. J'suis posé en patte chez toi, j'suis fait. Toujours déterminé à chiffrer. Un bon bifton m'appelle, j'y vais. Quand t'as commandé à n'importe quelle heure, on veut gratte livré. Toujours en paix, ni plat, j'suis vrai. Pas de cinéma, négro, j'suis vrai. Wesh Karok, c'est quoi le délire, hein? J'ai dit pas de cinéma, négro, j'suis vrai. On parle de concurrence, si c'est nous, on le vit bien, vu que t'es même pas fort, poteau. On baisse ces salopes que tu considères comme fille bien, et là t'as pas tort, poteau. Tous les chemins mènent, j'sais même pas où j'en ai rien à foutre, vu que j'suis fucked up, poteau. On va pas traverser le pont de l'enfer, et j'me dis que c'est à cause de la marque de Robert Kalina. Robert Kalina, Robert Kalina, Robert Kalina, Robert Kalina, MZ à Skyrock, Robert Kalina, Robert Kalina, Robert Kalina. Trois dans les bacs, Robert Kalina. Deux dans les bacs, Robert Kalina. Cette musique, Robert Kalina, Robert Kalina, Robert Kalina. Ouh, je zou, je vois la haine de guerre. Trois dans les putains de bacs. Davidson Coronès, mon coteau. KDB Zik. Ma team DEH. Wesh Bran. Je pense qu'on peut faire du bruit pour vous. Bravo à l'instant MZ dans le studio. Merci. Bah alors les gars derrière. Voilà, MZ en live donc ce morceau inédit qui s'appelle Robert Kalina. Ouais, c'était pour toi. Et je suis ravi en tout cas d'avoir appris parce que j'ai découvert grâce à vous qu'en effet Robert Kalina c'est le mec qui a remporté le dessin pour les 7 premiers billets en euros. Fred vient de nous manquer de respect. Non mais j'ai envie de dire. En fait on lui a parlé mais il a dit qu'on était des mythos. Mais non, mais j'étais vérifié. Mais non, c'est pas ça. Il a eu 2 sur 20, on va voir si. Oui, c'est ça, il a dit lui. C'est ça, attends, excuse-moi d'aller vérifier un petit peu les sources parce que quand j'ai vu ta prof d'SVT qui envoyait un message en disant ouais 2 sur 20. Ah ouais, en fait on est venu pour faire du buzz à ma prof d'SVT. C'est exact. Ça. Elle a mis une punchline, elle, c'est bon. Ah ouais. Bah on attend les profs des autres. Hein. Ah. Non mais c'est, écoute, voilà, le mec parfait. Non, j'ai découvert voilà, ça, donc bravo. On est instruit. Mais j'en doute pas un seul instant, mais je connaissais pas ce Robert Kalina et grâce à vous maintenant j'ai appris un truc. Merci à vous. Voilà. Merci les MZ. Demain il y aura un autre nom. Toute la semaine on va t'apprendre des petits trucs. Voilà. Très bien. Un petit truc. On va essayer un petit truc. J'ai déjà bien écouté le projet, des trucs que j'ai appris en écoutant bien les morceaux. Un petit truc. Je vais m'occuper de la devise du morceau Lune de Fiel ce soir. Enfin bon, c'est bon, je suis paré. Je suis MZ ce soir. Ah, MZ jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ouais. MZ. Bon, à votre ceux qui t'ont fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre ta nouvelle tablette et ton DVD Hunger Games. Salut Emilie de Tourmini. Salut. Je te présente la MZ, nos invités cette semaine dans l'émission. Enchantée. Eh ben, enchantée, Emilie. Tu es prête à faire tourner, on y va? Ça marche. Allez, c'est parti, la roulette tourne. Stop. Et va s'arrêter pour toi sur la case. N'oublie pas qui est ton véritable ennemi. Le DVD Hunger Games, l'embrasement qui arrive à la maison du côté du Nord, du côté de Tourmini. Super. Eh ben, on te fait plein de bisous. Allez, bisous, bonne soirée. Passe une bonne soirée. Et c'est Lilox d'Avignon qui a répondu à la bonne question, qui a été plus rapide pour répondre tout à l'heure à la question. Que signifie l'abréviation MZ? Évidemment, c'est Mafia The Trait, d'où le 13e arrondissement de Paris. 13e arrondissement de Paris. En Verlan, évidemment. Salut, Renaud. Donc... Lilox d'Avignon donc qui repart avec l'album dédicacé par la MZ. Merci à vous messieurs. De rien, merci à toi. Merci à toi. Est-ce que demain vous serez là entre 20 et 21, un petit peu avant, même 20h d'ailleurs, on débute l'émission avant. On sera là. Ouais, toujours. Et aussi ouais, on va profiter de cette semaine pour promouvoir en fait le prochain clip qui va sortir un vendredi. Très bien. Wax. C'est Wax qui sort. Wax. Un inédit, titre inédit, clip inédit. Clip inédit, titre inédit, tout inédit quoi. Donc il y a le clip qui arrive, on aura peut-être le son aussi dans la semaine. Ça faudra voir avec Zoxy, Melophilo, Davidson. J'ai déjà commencé à négocier là de face avec non, Davidson. Tu vas pas l'avoir, tu vas trop charrier. C'est la guerre. On va voir, on verra demain. Rendez-vous, merci à vous. On rappelle que le projet s'appelle MZ Music Volume 3, qu'il est dans les bacs. On peut le télécharger légalement. Et là, je vous présente maintenant D-Fool et toute l'équipe de la Radio Libre. Eh bien, toute l'équipe, vous salue la MZ. Salut. Ouais, la MZ, on est là, la famille. Voilà, Cédric, il est là, Cédric. Ouais, je suis là, ça va ou quoi? Ouais, tranquille, la famille. Hey, fais nous rire ce soir, fais nous rire. On est ensemble la famille. Non, mais c'est important de préciser que Cédric a fait partie des gens ici à beaucoup parler de la MZ. C'est vrai. C'est vrai, c'est lui qui nous a fait découvrir. Ouais, il n'arrêtait pas de dire ouais, MZ, tu connais, il m'envoyait les liens tout le temps, les trucs, machin. Donc, en effet. Big up Cédric. C'est les potos, on suit. Ce soir, il y aura le clash. Ouais. Ce soir, il y aura le clash. C'est moi, je suis avec Cédric. Ouais, allez les gars, on va vous souhaiter une bonne soirée. Merci la MZ. Intervention de Romano. Bonne soirée les gars, c'est sympa d'être venu. Cédric, Zoxy qui veut ajouter quelque chose. Salut Zoxy. Disant t'es à la radio tous les soirs et t'étais pas au courant qu'MZ était sur Planet Rap cette semaine. Mais si, j'étais au courant. Ah merci. Non, il a raison Zoxy, c'est moi qui lui ai dit. Ouais, bien sûr. Si, t'as raison. En tout cas, ça fait plaisir de t'en trouver, Zoxy. Ben moi aussi, ça fait plaisir, merci à vous. Et la MZ, demain, le retour juste avant 20h, tu le disais, Fredo. Yes. Demain, 20h, on est là. Et ouais, et ben nous aussi. Bah oui, ça tombe bien. On sera là à l'écoute demain soir, 20h-21h. Je te kiffe. Bisous. De loin. Bah oui. On n'est pas si loin, remarque, hein, mais bon. Bah, bisous à vous tous. Et ben on vous remercie, voilà, les gars. Ça. Merci à vous. La MZ demain, 20h-21h. Et là, c'est parti. Vous le savez. Donc, il y aura un clash ce soir, vous l'avez dit. Hein. Clash de la drague à retrouver. Vous tous en direct dès maintenant. Vous nous appelez 01 53 40 30 20. Vous nous laissez des messages. On arrive tout de suite sur Skyrock. Ciao, les gars. À demain. Ciao.